Elle peint comme une gosse qui court sur la place après des pigeons voyageurs. Elle peint comme un vieux clown qui se grimace pour que les enfants rient à plein cœur. Elle peint avec ses peurs et ses audaces, ses amours rires, ses amours pleurs. Elle peint comme deux amoureux qui s'enlacent. Elle peint pour annoncer la couleur. Elle peint la neige triste qui se mord quand le printemps s'est réveillé. Elle peint l'oiseau blotti contre le cœur de cet innocent prisonnier. Elle peint un ciel qui se tord de douleur parce que l'orage va éclater. Elle peint toujours avec son cœur. Elle peint pour annoncer la couleur. Elle peint avec des rêves qui se gouachent, tissant la toile au firmament. Elle peint son bel amour qui se détache, les sanglots qu'elle garde au-dedans. Elle peint la liberté quand elle se fâche, qu'elle crie des mots sans avoir peur. Elle peint ses grands yeux noirs dont elle s'attache. Elle peint pour annoncer la couleur. Elle peint l'océan quand il balade les mouettes au ciel de nos regards. Elle peint le paladin et ses balades, les rythmes fous de la guitare. Elle peint le vent qui sans frontières souffle la vie et souffle fort. Elle peint pour que son geste soit lumière. Elle peint pour annoncer la couleur. Elle peint la solitude qui l'enlace quand le pinceau guide de sa main. Elle peint le temps qui toujours passe. Elle peint les rides du chemin. Elle peint et se sent si petite. La toile est blanche, son cœur est fou. Elle peint et quitte à peindre toute sa vie, même si le monde entier s'en fout. Elle peint et ne fait plus rien d'autre. Elle pense aux autres malgré tout. Elle peint les émotions qui sont les nôtres. Elle peint la vie qui est en nous. Elle peint toutes nos envies quand elles se cachent, le regret de celui qui meurt. Elle peint Chaplin et sa démarche quand il nous annonçait la couleur. Elle peint comme une gosse qui court sur la place après des pigeons voyageurs. Elle peint comme un vieux clown qui se grimace pour que les enfants rient à plein cœur. Elle peint avec ses peurs et ses audaces, ses amours rires, ses amours pleurs. Elle peint comme deux amoureux qui s'enlacent. Elle peint pour annoncer la couleur. La couleur.